doute loupé. Alors que le carpe sage repartait, Béa dois-je le laisser parler? Tandis que les trois quarts de singe m'arrivaient en cercle un oreille parfait. Quand dix d'entre eux subissent les pertes, ils sont nombreux au moins un quart. Que sais-je? La queue de singe au loin réduit l'arpège. La les pertes, les sons.